à diffuser. Il faut nous aider à diffuser. C'est ce que je vais faire. Oui. Parce que dans le Cameroun, c'est un pays où on nous a toujours vendu une paix précaire, vendu une paix qui n'existe pas. On a un gouvernement qui est là depuis 36 ans et le président lui-même était au pouvoir avant même. Il était déjà dans le gouvernement avant. Donc il est au pouvoir depuis plus de 56 ans. Il a 86 ans, il est fatigué, il ne veut pas aller se reposer. Donc il a pendant tout son mandat de 36 ans mis sur pied une machine de fraude, une machine de manipulation des esprits de masse. Donc il passe son temps à manipuler l'esprit des Camerounais, à manipuler l'esprit des Camerounais. Aujourd'hui que les Camerounais ont compris qu'on est en face d'un mafieux, quelqu'un qui ne veut pas le bien du peuple, qui a pris un pays qui était en train de prospérer et qui l'a ramené dans le gouffre, qui a tout détruit, toutes les sociétés d'État du Cameroun, il a tout détruit. Il n'existe plus de société d'État au Cameroun. Il a tout détruit. Et il a pris l'argent, il a volé l'argent avec ses amis, avec qui il est dans le clan du pouvoir. Ils ont mis dans les paradis fiscaux. Donc quand le peuple a décidé, a compris qu'on est en face des mafieux et qu'on ne veut plus de lui, il utilise l'armée. Avec les armes payées avec l'argent du contribuable camerounais, on utilise cette armée pour nous opprimer. On n'a pas le droit au Cameroun aujourd'hui de marcher, de sortir. Deux personnes n'ont pas le droit de sortir et manifester. C'est que la police et l'armée viendront vous vandaliser. Ce matin, dans la ville de Bafoussam au Cameroun, il y a une vingtaine de Camerounais qui sont sortis. Ils ont dit « gros c'est gros, non au hold-up électoral ». 10 camions de policiers, de militaires sont venus vandaliser 20 personnes. 20 personnes. C'est pourquoi nous crions notre ras-le-bol. Nous crions notre ras-le-bol. Gros c'est gros. Nos familles souffrent au Cameroun. Nos enfants n'arrivent plus à manger. L'eau qui coule du robinet, c'est de la boue. C'est de la boue qui coule des robinets au Cameroun. Vous pouvez vérifier. C'est ce que je vous dis est factuel. C'est une information vérifiable que vous pouvez aller vérifier au Cameroun. C'est de la boue qui coule des robinets. Parce qu'il n'y a pas une société d'entretien, d'assainissement des eaux au Cameroun. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est un état vandale. C'est un état de bandits, des oppresseurs. Ils sont là uniquement, ils ne pensent qu'à eux, qu'à eux. Ils ont déjà pris, ils ont volé toutes les richesses du Cameroun. Ils ont mis dans des paradis fiscaux. Et aujourd'hui, ils veulent vendre le reste du Cameroun avant de s'en aller. Et ça, c'est au nom des intérêts des gens qui gouvernent et de la France. Des intérêts des gens qui gouvernent et de la France et de certains États dans le monde. La France est le premier complice. La France est le premier complice des dictateurs en Afrique. Et nous savons pertinemment que aucun dirigeant camerounais ne rentre en poste sans que la France n'ait donné son accord. Les élections là sont là juste pour les Français. Les élections là sont là juste pour. C'est une formalité. Oui, c'est une formalité. Avant d'aller voter, on sait et déjà actuellement, malgré ces élections, il s'est avéré que le peuple a voté quelqu'un d'autre. Mais ils utilisent des moyens tortueux pour confisquer cette victoire-là. Aujourd'hui on se pose la question à quoi servent les élections dans un pays comme au Cameroun. Parce que lorsque vous allez voter, il y a des informaticiens payés par le gouvernement, des braqueurs qui sont assis dans des bureaux en train de faire des tableaux Excel avec qui doivent être lus, qui seront lus plus tard au Conseil constitutionnel. Comme résultat. D'abord, dites-moi, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Eric Ninel-Lélé-Bounier. je suis citoyen canadien d'origine camerounaise. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun qui fait en sorte qu'aujourd'hui on est dans la rue en train de manifester? Oui, nous sommes dans la rue parce que ça fait 36 ans qu'il y a un dictateur au pouvoir au nom de M. Paul Biya, âgé de 86 ans. Le 7 octobre dernier, nous avons eu les élections. Il y a un candidat à l'opposition au nom de M. Maurice Samto qui a gagné les élections. Mais ils ont truqué, ils ont triché et ils veulent maintenir le dictateur au pouvoir. C'est pour ça que le peuple se lève pour rétablir la vérité et que le président élu par le peuple soit installé au pouvoir. Qui a intérêt à maintenir le dictateur au pouvoir? Bon, que le pouvoir est... Le pays est dirigé par une gang de présidents actuels avec tout son gouvernement. Ce sont le président de la Cour constitutionnelle, le président de la communication, c'est toute une clique de ministres qui maintient ce dictateur au pouvoir avec la complicité de la France. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique, c'est une manne d'or pour les Européens, particulièrement la France. Les grosses institutions, toutes les entreprises au Camerounais ont été privatisées aux Français. Je parle des ports, je parle du chemin de fer, je parle de nos ressources. C'est pillé par la France. Donc c'est en complicité avec la France qui maintient le dictateur au pouvoir. Et ça fait combien de temps comme ça que la France paye le Cameroun? Ça fait plus de 5 ans, 6 ans parce que avant Paul Biya, il y avait le président Amadou Ahidjo qui avait effectivement été installé toujours par les Français. Et après un coup d'état médical, il a cédé le pouvoir à Paul Biya. Et Paul Biya en a fait 36 ans. Donc ça fait 5 ans, 6 ans que la France paye le Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc c'est un problème de vote, comme je dis, on avait eu les élections présidentielles. C'est quand? Ça a eu lieu le 7 octobre dernier passé. Ok. Ouais. Et vous manifestez depuis ou? Oui, depuis ce 7 octobre, toute la diaspora, tous les Camerounais du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de Bruxelles sont dans la rue pour manifester leur mécontentement afin que la justice soit rétablie. Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que personne canadienne ou québécoise? Oui, nous attendons donc une pression. Nous voudrons que le gouvernement canadien puisse demander à M. Biya de respecter la voix des urnes. Et si on respecte la voix des urnes, qu'est-ce qui va se passer? On respecte la voix des urnes. Le candidat que le peuple a voté au nom de Maurice Kamto va prendre le pouvoir. Il a un programme qui correspond aux Camerounais. Un programme de rétablissement social. Un programme de construction des écoles. Un programme sanitaire équitable pour tous. Au Cameroun actuellement, les enfants, il n'y a pas de l'eau potable. Il y a des régions au Cameroun, il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas de route. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Beaucoup de jeunes Africains vont en Asie en passant par l'océan Atlantique et se font dévorer par les requins. Les jeunes filles africaines actuellement sont séquestrées au Koweït parce qu'elles fuient la misère au Cameroun. Et nous pensons qu'avec le programme du président Maurice Kamto, la paix va se rétablir au Cameroun. Le Cameroun sera reconstruit. La jeunesse va revoir confiance en elle et le Cameroun redevient un Cameroun de paix. Sans oublier que sous le régime Biya, la partie anglophone est en guerre depuis 2 ans. Il y a des milliers de Camerounais qui meurent dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Il y a une guerre civile dans le nord-ouest du Cameroun depuis 2 ans que le président Biya n'a pas encore pu trouver une solution. Et nous pensons qu'avec le président Kamto, cette situation va se régler. C'est pour ça que nous faisons la pression afin que tous les pays viennent à notre secours pour déloger Biya et installer le président qui a été voté par le peuple. Et qu'est-ce que les gens chantent en ce moment? Ça, c'est un chant de détresse. Il y a plusieurs types de chants. Un chant pour le changement, un chant de détresse qui exprime notre désarroi par rapport aux milliers de Camerounais qui meurent et qui continuent à mourir. Donc nous crions, c'est une façon de pleurer ceux qui sont tombés, des innocents, des enfants enlevés, des enfants assassinés, des enfants kidnappés, des femmes violées. Donc c'est des chants de détresse pour dire à quel point nous sommes touchés et à quel point nous voulons que la situation change. À force de marcher, ça fait une pression, puisque aujourd'hui avec les réseaux sociaux, cette marche sera relayée au niveau de toutes les organisations internationales. Ça peut être l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour la paix. On veut qu'ils comprennent qu'actuellement, la sécurité sociale, la paix des Camerounais est en branle. Donc cette pression, cette marche, c'est pour exprimer notre mécontentement et interpeller les organisations internationales à apporter leur soutien afin que la vérité soit établie par rapport aux élections qui sont passées le 7 octobre dernier. Ok, je me demandais pourquoi les gens y meurent particulièrement. Il y a plusieurs raisons. Manque d'hôpitaux, manque de routes, trop d'accidents, les assassinats, les crimes, la guerre dans la partie nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Donc c'est une partie anglophone Ils ont manifesté, ils sont mécontents. Ils veulent qu'ils soient reconnus. Il y a des petits problèmes de sécession. Et c'est un problème qui peut être résolu par le gouvernement. Mais depuis 2 ans, le gouvernement fait la sourde oreille. Le gouvernement ne veut pas les écouter. Et il y a eu une guerre civile qui sévit là-bas jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont assassinés, les gens sont morts et ils continuent à mourir. C'est pour ça que nous voulons le changement. Est-ce que vous avez un bon soutien extérieur? Pour le moment, pas encore. Depuis qu'on fait la pression, l'extérieur, le pays extérieur qui soutient directement le Cameroun, la France n'a pas encore manifesté. Et c'est normal parce que la France est le complice des dictateurs africains. Tout simplement parce que ce sont eux qui pillent les richesses. Il faut avouer, le Cameroun est très riche. Le sous-sol camerounais est très riche. En pétrole, en bauxite, en bois. Et la plupart de ces richesses sont exploitées par les Français. Le fer aussi, c'est exploité par les Français. Donc vous comprenez que tout de suite, ils maintiennent ces dictateurs parce que c'est avec eux qu'ils complotent pour soutirer toutes les ressources du Cameroun. Donc il y a de quoi. Mais nous espérons qu'avec cette pression, les autres pays comme les États-Unis, le Canada vont apporter le soutien afin que la vérité soit établie. Est-ce que vous avez une couverture de presse internationale sur votre situation ou... Non, présentement, la situation que nous avons juste parlé à Radio-Canada et d'autres médias, et on estime qu'avec les réseaux sociaux, toutes ces manifestations sont vues de partout dans le monde. Il y a des télés, des presses qui captent ces images et puis ils en font le relais. Tout le monde entier le voit. Ah, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on critique? Ce que je veux rajouter, c'est que vraiment nous sommes fatigués. Ça fait longtemps que ça dure et nous voulons, franchement, même avec le soutien divin, que cette situation change. Parce que je ne peux pas vous dire, tous les jours que je regarde les réseaux sociaux, le nombre d'enfants assassinés, le nombre de femmes violées, le nombre de personnes tuées, le Cameroun actuellement vit un génocide. Et tout mon souhait le plus absolu, c'est que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Merci. Oui.